Chapitre 351. L'interdiction de faire ses besoins sur la voie publique, dans l'ombre utilisée par les gens, dans les points d'eau, etc. Allah Ta'ala dit: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. 1771. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Évitez les deux choses qui provoquent la malédiction. Quelles sont-elles ? » demandèrent les compagnons. « Faire ses besoins sur la voie publique ou dans l'ombre utilisée par les gens. » répondit-il, alayhi salatu wassalam. Muslim.